dans sa robe de fée où se chante l'été. À chaque pas, les fleurs s'y promènent en couleur. Quand rosée du matin, un câlin sur ses mains, inévitable osmose où s'y caressent les roses. En fleurette, leur chante une histoire qui lui ressemble. Se taisent les magnolias, les roses et le mimosa. Et quand fleurette leur danse une chanson qui lui ressemble, se forment des couples de fleurs en doux mélange de couleurs. Dans son jardin fleurette, il y chante les violettes, danse les pétunias, les roses et le lilas. Et quand la nuit se fait douce, que les folies se couchent, assise au cœur des roses, fleurette s'endort. En fleurette leur chante une histoire qui lui ressemble. Se taisent les magnolias, les roses et le mimosa. Et quand fleurette leur danse une chanson qui lui ressemble, se forment des couples de fleurs en doux mélange de couleurs. Dans sa robe de fée se chante l'été. À chaque pas, les fleurs s'y promènent en couleurs. En rosée du matin, un câlin sur ses mains, inévitable osmose.